Mais non, c'est autant les trucs qui marquaient, peut-être que tu vas en parler, qui ont vraiment fait du bruit et qui étaient connus, bah, c'est Daniel Darc et Taxi Girl après Elie Jacquemot. Oui, oui, alors Taxi Girl, non, mais c'est l'image d'Andy Junkie, quoi. Et, à l'époque, j'aimais pas. Hein. J'ai redécouvert plus tard, parce que moi, j'écoutais Trust. En 80, moi, j'ai dit, c'est quoi cette musique de PD, entre guillemets. Mais en fait, c'est des choses que tu redécouvres. Taxi Girl. Personnellement, j'ai redécouvert Taxi Girl sur le tard, par exemple, en écoutant les Stranglers. Tu vois le lien entre sur l'album CPQ, tu vois que Taxi Girl a beaucoup écouté les Stranglers. D'ailleurs, cet album, je crois, il a été produit par un des membres des Stranglers. Donc, Taxi Girl, oui, bah, c'est un véritable mythe, évidemment, Daniel Darc, l'attitude. Qui a fricoté aussi avec la chanson française plus tard. Bon, mort jeune évidemment, Junkie jusqu'à l'os. Et puis après, qui passe par la religion, enfin, la biographie, la vie du mec est vachement intéressante. Quoi. Et puis, l'autre acolyte aussi de Taxi Girl qui a fait une belle carrière, Mirwais. Oui, ben oui, ouais, qui va se retrouver avec Madonna, ouais, c'est voilà, ça. Voilà, exactement, qui fait la musique de Madonna. Donc, Pourquoi pas, hein, ouais. Pourquoi pas. Mais enfin, en même temps, qui donne les morceaux, qui a donné d'ailleurs les derniers morceaux de Madonna, qui étaient vraiment intéressants, donc il y avait un côté assez moderne. Pour moi, Taxi Girl, alors, par contre, c'est typiquement le groupe que j'ai toujours écouté. Oui. J'ai découvert quand c'est sorti. Mais à l'époque, moi, j'avais un cousin qui était âgé de 4, qui avait 4 ou 5 ans de plus que moi, et qui écoutait, bon, qui était un peu Mods, donc il écoutait un peu l'époque des Stray Cats, B-52s, moi, vraiment ouais, B-52s, bon, j'adorais ça, et oui, puis bon, Taxi Girl direct, en fait. Ouais. Et ce côté, bon, il y avait vraiment ce côté Madeleine de Proust pour moi de réécouter Taxi Girl. Oui, oui. Non, mais après, j'ai un souvenir de Chercher le garçon, ça m'a interpellé quand ça passait à la radio au début des années 80, c'est un truc qui m'a interpellé. Mais après, plus tard, quand tu approfondis le rock, c'est parce que moi, j'ai eu ta période, évidemment, hard rock, on va y revenir d'ailleurs, et donc c'est pas le truc que tu vas acheter, puis après, c'est le groupe que moi, que j'ai redécouvert, je le rappelle. Yeah. m'entends? P-A-R-I-S, Paris. Respire le bonheur. Mais fais gaffe quand même. Tous les jours, des mômes meurent d'en avoir respiré un peu trop. Alors fais attention et marche dans les rues, pas au hasard. À n'importe quel coin, n'importe quelle rue, tu rencontreras n'importe quel type qui te proposera n'importe quoi. Des diamants, si tu en mets. Mais prends-les dans tes mains, jette-les par terre, tu verras. Ils se brisent comme du verre. C'est Paris, à Paris rien n'est pareil. Tout a tellement changé que ce n'est même plus une ville. C'est juste une grande poubelle. Et la poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, et à Paris y a rien à faire. Juste marcher dans les rues, marcher dans les rues pendant qu'il fait jour. Et attends, attends qu'il fasse un peu plus chaud, qu'il fasse un peu d'amour. Pas ce qu'on attend, mais ça n'a pas d'importance parce que ça ne viendra pas. C'est Paris 1984, belle année. Nos parents, belle Espagne, mais qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Le Liban? Oh, il fait trop chaud là-bas. Marc, ici il fait un peu froid. Mais ça, aucun radiateur au monde n'y peut rien. Il fait froid dans nos têtes. C'est pas Tokyo, Londres, New York, Amsterdam, non. Non, c'est Paris. Et à Paris, y'a rien à faire. Paris, une de nos rêves. La poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. Il reste rien à faire, juste marcher dans les rues. Marcher dans les rues et attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Ou qu'il fasse un peu plus jour. Ou qu'il fasse un peu d'amour. Oh, ville de mes rêves, que diras-tu demain quand tu seras seul, pourri, des ruines un peu partout. Tu sais comment j'écris ton nom? Love. Alors le hard, puisqu'on y est, oui, évidemment, il y a le phénomène Trust à la fin des années 70, que Metal Urbain avait foutu un bordel durant un concert de Trust, parce que Trust se réclamait du punk rock. Metal Urbain avait dit non, vous n'êtes pas des punks. Ils avaient foutu un... Ouais. Et après, j'ai, sur Facebook, j'avais parlé de cette histoire avec... pas Eric Debris, avec, comme j'appelle l'autre, le guitariste, là. Le guitariste de Metal Urbain, comme il s'appelle. Avec un nom allemand. Hermann Schwarz. Voilà. Bon, comme ça, les auditeurs, ils savent qu'on fait une émission improvisée. Tu vois. Voilà. Il n'y a rien qui est travaillé, c'est toutes nos connaissances. C'est voilà. Le côté punk, en fait. C'est le côté punk, quoi. Voilà. Parce que les auditeurs vont se dire, ils n'ont pas travaillé leur sujet, ben non. Oui, alors Herman me disait qu'ils avaient fait ça, mais c'était il avouait 30 ans, 40 ans plus tard que c'était des conneries de, presque d'ado, tu vois. De querelles byzantines, en fait, tu vois. Ouais. Bon, Trust, moi, personnellement, je respecte les tout débuts, les deux premiers albums, jusqu'au fameux Antisocial aussi, mais qui a été très populaire à l'époque. Après, bon, c'est inaudible, c'est tombé dans les espèces de hard rock bourrin. Après, ils ont fait des expérimentations lamentables. Enfin bref, Bernie Bonvoisin, il a souvent changé de veste. Il a fait mais du les cinéma. Premiers, il a fait du cinéma. Alors, même il a fait un téléfilm qui s'appelle Punk. Ouais. Avec, je crois, Béatrice Dalle, qui était l'ancienne punk aussi, entre parenthèses. Enfin bref. Mais non, mais les trois premiers Trust, personnellement, c'est l'adolescence, voilà, je respecte. Bon, c'est la révolte des banlieues, c'est-à-dire que dans les banlieues, il y avait une certaine révolte qui sombrait pas complètement dans le punk, qui avait encore le hard rock, le heavy metal naissant, qui était très populaire à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et dans les banlieues, on n'écoutait pas tant que ça du punk, il faut le dire, à part quelques-uns, mais bon. Donc Trust, c'était le groupe qui réconciliait un petit peu au départ, un peu les punks, un peu les... Tu marches tel un robot dans les couloirs du

Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. C'est un homme, madame. Il est emprisonné. C'est celui que vous paierez aussi bien condamné, Pesrine. En rendant la justice au nom des libertés, Pesrine. Il tournera toujours, Pesrine. Jusqu'au jour où vaincu en animal blessé, Pesrine. Il tombera à terre et se laissera crever. La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une... Bastion de l'ordure, le fief du bourgeois, mentalité de rat. Connaissez-vous son mur et sa garnison? Population mesquine, mentalité. Parle au nom de l'ami, celui qui m'a souri. Dans la vieille ville de Londres, sincère et sans une ombre, on a parlé sans mur, on a causé rognure. Dommage qu'à notre époque, les pavures. Cela existe encore dans ce pays en or. C'est fait, je les ai constatés. Se sont accumulés. Mais dans 100 ans encore, on jettera dehors toute personne étrangère à ces mœurs de l'air. Dira-t-on, ville exemplaire, si tu as l'aspect louche, t'es pas ici pour plaire, méthode de barbare, chez l'école est montée, méthode militariste. Gens sur lesquels je pisse. si tu es lâche, pélouche, t'es pas ici pour plaire. Méthode de barbare, j'ai les collets montés. Méthode militariste, gens sur lesquels je pisse. Et on pisse sur son mur, le bastion de l'ordure. Son mur. Enfin voilà, médaille de l'unique. Dans le hard rock quand même des années 80, moi je citerai, bon alors après le heavy metal, le hard rock français, ça a été une catastrophe durant les années 80, hein. Ça faut le reconnaître, hein, parce que c'était des paroles débiles du genre Demon Eyes. Les lyriques, c'est tu mouriras en enfer, littéralement. Voilà. Ceux qui sèchent. Mais pas Demon Eyes. Voilà, bon, il y avait des horreurs comme ça. Mm. Mais par contre, il y a un groupe que je respecte, c'est Vulcain. Vulcain qui ont été catalogués, qui étaient les Motorhead français. Voilà. Mm. Voilà, je les ai vus en concert il n'y a pas trop longtemps que ça. Hier, j'ai discuté avec eux. Frangin Fusio. Par contre, dans le heavy metal, on avance dans les années, mais déjà 85, il y a une perle rare qui s'appelle un groupe qui s'appelle Morsure, Accélération Process. Les mecs ont des lunettes noires, cheveux courts. Ça, ça a choqué même. Ils se disaient metal, mais c'était un groupe un peu bizarre. Ils allaient accélérer leur bande. C'est du speed metal punk. Et c'est intéressant. C'est, moi, j'ai toujours l'album. La pochette, c'est une bombe atomique, Accélération Process. Je tournais bien pour la vie. Je tournais bien un ami. Alors puisqu'on est dans le métal, comme ça, bon, il y a toute la vague française quand même à quelques bons groupes. Bon, ils ont suivi, tu disais tout à l'heure que beaucoup de vagues de groupes français ont suivi les vagues étrangères. Hein. Mmh. Bon, a, c'est sûr que métal, toute la vague trash, death metal, hein, qui va arriver dans les années fin des années 80. Agressor de Nice. Voilà. Lofofora. Non, c'est après ça. Encore c'est, après, oui, c'est plus 90 on marque. C'est plus le néo-métal, c'est ça que je supporte pas d'ailleurs. Mm. Non, c'est toute la vague trash des années 80. T'as l'Outblast qui avait des influences un peu hardcore qui venaient de Lille. L'Outblast, la légende du trash français. L'Outblast, 10 ans de métal extrême en concert. L'Outblast, vos voisins vont encore déguster. Les Loud Blast, on va se donner une petite idée de votre talent, votre immense talent pour tous les spécialistes du genre, en tout cas comme Neil Guichard qui est à vos côtés, ou Florent Gazan qui est pas loin de nous aussi, donc à travers cet extrait que vous nous avez apporté. Les Loud Blast. Merci pour eux. Voilà pour les Loud Blast, donc groupe de hard rock, bravo. C'est Stéphane Burier qui est avec nous, qui est chanteur et qui est également, également guitariste. Peut-être que citer vos autres copains, je ne l'ai pas fait pour Ludwig Von, ils vont nous en vouloir, mais c'est vrai qu'une histoire de groupe, c'est toujours une histoire à plusieurs. En tout cas, François Jamin, Nicolas Leclerc et Hervé Coquerel, si vous voulez citer vos camarades. Ils sont là, mettez la caméra sur non, eux. Ils veulent là. Pas, ils refusent absolument, ils font non avec le doigt. Très bien, en tout cas, vous les retrouverez sous ce titre qui est également un label pratiquement de qualité, en tout cas au sens où on l'entend. On l'entend Jean-Pierre Coff, dont on parlait tout à l'heure directement, le groupe Ludwig von 88. Mais on revient à vous, et hard rock, vous appréciez le hard rock. C'est un genre qui est assez peu aimé en France par rapport à l'Allemagne, par rapport aux États-Unis. Justement, c'est un style qui nous fait fantasmer, parce qu'il y a beaucoup d'artistes français qui essaient de mettre des sons hard. Les derniers disques qui sont sortis, on essaie de mettre des sons que ça ne sonne pas du tout comme les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on se cantonne dans ce qu'on sait faire et ce qui est le hard rock, c'est autre chose. Alors quand je dis pas aimé, je voudrais rectifier, parce qu'en fait 20-25% des ventes de disques aujourd'hui sont des ventes de hard rock. En revanche, quand je dis mal aimé ou mal connu, je parle des médias, encore eux, de la télé dont parlait Monsieur Barrière, ou des radios. L'avantage de chanter en anglais et en français, ce qui nous interdit, entre guillemets, des passages radio sur les grandes ondes. Mais quel intérêt pour vous de chanter en anglais? La culture rock qu'on a, enfin nos bases, quoi, c'est pas la chanson française, même si on aime certains artistes français. Mmh. Nos bases, c'est le rock and roll, quoi. Et moi, j'ai été baigné dans Aerosmith dès que j'étais tout petit. Et voilà, c'est ça, quoi. Vous avez bien grandi quand même. Aerosmith est c'est un ça, immense groupe. C'est pas la chanson française. Donc moi, je chante en anglais parce que c'est mon moyen de m'exprimer depuis le début. J'ai jamais chanté en français. Mmh. Quand vous allez à la rencontre des gens qui programment ou des journalistes, ça doit vous arriver quelques moments après des concerts, de les croiser? On va pas leur rencontre parce que... Est-ce qu'ils vont à la vôtre? Disons que nous, on a affaire à une presse spécialisée de toute façon. C'est-à-dire que, hormis bon, le Parisien, je vois ça. Mais bon, quand on fait des concerts en région parisienne ou en province, quoi, on a souvent des articles dans la presse locale. Mais les gens qui s'intéressent à nous sont en particulier la presse spécialisée. On a la chance en France d'avoir quand même des magazines comme Hard Rock Magazine ou enfin des gros bouquins qui tirent quand même beaucoup. Quoi. On vend aussi à l'étranger, donc on a de la presse à l'étranger. L'étranger, c'est plus important pour vous que la France? Non, je veux dire, ça a autant d'importance pour nous. Je veux dire, bon, il est certain qu'on vend plus en France qu'à l'étranger, c'est clair, parce que de toute façon, étant sur un label français, les licences à l'étranger, quoi, sont toujours dures à dealer. Et, c'est... C'est pas simple en France et c'est pas simple à l'étranger. Bah non, parce que entre deux chaises. Bah oui, voilà, parce qu'en France, les groupes de rock n'ont pas très bonne réputation, il faut bien le dire. Et c'est dur de partir gagnant d'entrée de jeu dans ces pays. Certains se sont imposés en France. Ouais, enfin, je veux dire, bon, moi, mes références en France, c'est Trust et Téléphone, quoi. Bon, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps, quoi? Je veux dire, ces groupes-là sont imposés par leur talent. Les chanteurs français. Ce qui est bizarre, c'est que depuis le début de l'émission, on reproche à certaines radios de passer pas suffisamment de musique française. En fait, vous reprochez aux radios françaises de pas passer suffisamment votre musique qui est pourtant en anglais. Disons, pourquoi ils se. Enfin, il y a des groupes comme Metallica qui passent souvent sur antenne, qui chantent en anglais. Alors, les labels veulent le Rage Against the Machine français. Bon, ils ont pris. No One's Innocent. Ils cherchent toujours par exemple, le Metallica français, le machin français. Mais ils cherchent chez eux, quoi. Chez eux, il y a des groupes français qui valent autant que les groupes étrangers. Stéphane a raison, parce qu'en fait, ce style de musique, c'est la langue, c'est l'anglais, ça peut pas être autre chose. Donc, le problème qu'il y a, c'est l'espèce de complexité avec les gens des médias, donc de la radio, qui lorsqu'un groupe français, qui est aussi bon qu'un groupe international anglais, hollandais, norvégien ou allemand, arrive, parce que c'est français, il passera pas. Et c'est vrai que dans les groupes de hard rock, il y a des gens qui sont aussi bons que les groupes américains ou norvégiens ou allemands, parce qu'il y en a de très très bons. Et c'est le complexe du français. Ça veut dire que quand quelqu'un est bon chez nous, il ne peut pas faire comme les autres. Cette musique, elle ne peut pas être chantée autrement qu'en anglais. Ok, voilà pour tous ceux qui défendront les paroles en français. Applaudissements. Ça n'a rien à voir, non. 36-15 Côte France 2. C'est important, ça n'a rien à voir. Non, c'est une précision, c'est un style de musique qui est international. Le rock, c'est une invention anglo-saxonne. C'est une musique internationale. On peut exporter des artistes français qui chantent en anglais. Il ne faudrait pas avoir ce genre de complexe. Ça n'a rien à voir avec la chanson française. Dans le punk pur et dur, parce que dans les années 80, avant la vague alternative, il y a quand même des groupes, on en a parlé, là, à trois dans les WC qui sont plus ou moins post-punk, tout ça, il y a quand même Oberkampf. Oberkampf, c'est quand même le groupe punk rock qui chante en français, les meilleurs qui soient, avec le fameux Joel, qui avait des influences très post-punk d'ailleurs. Joel était un grand fan de Bauhaus, dans sa façon de chanter. Il pompe ouvertement Peter Murphy de Bauhaus. Donc, et d'ailleurs, ça ne m'étonnait pas parce que je ne comprenais pas à l'époque pourquoi les gothiques ils achetaient au Oberkampf dans les fans de Cold Wave. Et après, j'ai compris sur le tard que Joël était fan de post-punk, de musique un peu dark. Et voilà. Bon, en même temps, moi, quand j'étais au lycée, j'écoutais beaucoup les Sisters of Mercy et tous les trucs de Cold Wave de l'époque. Et quand on écoutait Chrysanthème d'Oberkampf, c'était pas si loin que ça. Ça faisait pas punk à guitare comme on avait l'habitude d'entendre pour le reste, et il y avait un vrai côté froid, on va dire. Ouais. est morte maintenant. Poupée de cire, poupée de sang, elle se laisse

Par il y a l'espoir d'être un jour les enfants du Il y a évidemment les Berruyers Noirs. Alors moi j'aime surtout les Berruyers Noirs, les premiers. Ah bah oui, parce que à partir du moment où ça devient le grand cirque, c'est moins bien, mais la cassette Visa, Macadam Massacre, tout ça sont des albums fabuleux en fait. Moi que j'écoute à chaque fois, je me dis c'est une... Mais on dirait vraiment pour le coup métal urbain. Il y a une vraie filiation et un côté. En gros, du métal urbain produit par Steve Albini, si je peux me permettre, ce côté vraiment qui est très, très minimal dans l'orchestration. Ouais, tout à fait. Pour moi, ces premiers albums, ça reste des merveilles, en fait. Mais moi, c'est pareil, mais j'adore les premiers Berru. Après, j'ai moins suivi leur période, Clown. Viva Bertaga, tout ça, le Tomato côté, Ketchup. Antifa, j'allais dire du front, tu vois. La jeunesse emmerde le mot Front National. Ouais, alors... Très bien. Alors le truc, quand même, c'est quand même, eux, ils n'étaient pas bas du front, ils n'ont jamais été bas du front. Les Berruyers Noirs, c'était plutôt les gens dans la salle, en fait. Clairement, ils récupéraient tous les espèces de punk à chien qu'on ne voulait pas voir dans les concerts à l'époque, oui, ils allaient là-bas. Donc il y avait ce... C'est un peu comme Sham 69 avec les skinheads, quoi. Un peu en dépit de leur volonté, un peu comme Richard Virin quand il dit qu'il était dopé, je sais plus comment il disait précisément. Thank you. balles tirées, cœur éclaté. Écartelé, membres arrachés, sans bras, sans pieds. Et un noyé, l'eau est en train de plus respirer. Décapité, haché, aiguisé, une tête coupée. Et la torture t'a beau crier toute la journée. Un écorché, un enterré, un affamé. Empoisonné, t'es suicidé ou bien gazé. Les verrouillés ont étranglé une vieille mémé. La mort légale, jugée ou pas, la mort légale finira pas. Mais moi, je voulais revenir sur un groupe en fait qui faisait la charnière aussi avec les années 70 et le côté alternatif. C'est peut-être le groupe que j'ai vu le plus en concert, c'est OTH, les Montpelliérains, qui, par certains moments, autant les disques rendent pas forcément justice à leur performance, parce que des fois, la production est vraiment un peu, par moments, un peu datée, mais sur scène, c'était peut-être l'un des meilleurs groupes que j'ai vus. Avec une classe qui était monumentale. Bizarrement, je ne les ai jamais vus, alors que j'habitais à Lyon, j'aurais pu aller voir un beau produit, je ne sais pas pourquoi. Mais je reconnais, je suis un peu d'accord avec toi, d'après les vidéos que j'ai vues en live, c'était beaucoup plus. Bon, bien qu'au TH, au départ, ils avaient les cheveux longs. Ah, mais ils avaient, c'était des hard rockers, en fait, hein, clairement. C'était MC5. Hein. Oui, Fall Much, le guitariste, il avait toute la dégaine du hard rock. Et puis quand on voyait les reprises qu'il faisait, il reprenait Donovan, il reprenait les Doors. Il reprenait aussi Brigitte Bardot, Harley Davidson, qui est une version qui a tombé. Et alors, ce qui était bien avec OTH, c'est qu'il y a une période, je crois que c'est juste après que j'ai eu mon bac, donc ça devait être entre 88 et 90, où en gros, ils passaient tous les 3 mois à Lyon. Clairement, tous les 3 mois dans la région Rhône-Alpes, et à chaque fois, j'y allais. Et c'était mais vraiment des concerts à tomber beaucoup. Thank you. Puisqu'il a été fait après que leur groupe Jean-Michel Poisson là, qui a fait Les Naufragés, qui est encore encore un autre truc en fait du rock français traditionnaliste, on va dire un peu breton, chanson de marin et tout ça, beaucoup moins bien, mais au TH à l'époque c'était une merveille en fait. Mieux que ce qui a suivi après à Montpellier, les Shérifs. Moi personnellement, les Shérifs, j'ai jamais été trop fan. Alors on va pas être d'accord parce que pour moi, les Shérifs, c'est peut-être l'un des meilleurs groupes français qui. Ils ont le côté, ils font des chansons qui sont rigolotes, mais ils l'assument complètement. En fait, le chanteur dit à chaque fois qu'il le fait à l'arrache. Mais c'est les Dickies français en fait. Je le vois comme ça. C'est que la première fois que j'ai vu les Shérifs, c'était au Rai Théâtre à Lyon. En première partie de la Mano Negra et d'OTH, il y a un festival Gougnaf Mouvement. Et dans les gradins, là, on a discuté avec le chanteur et le guitariste des Shérifs. Et parce qu'on lui disait, votre morceau Jay Genter est vraiment giganteur, il est vraiment bien. Il dit, en fait, c'est pas nous, c'est une reprise, des reprises des Dickies. Et on a dit, et mes potes et moi, on lui a dit qu'on connaissait pas les Dickies. Et il nous a dit, vous passez à côté de quelque chose. Et effectivement, quand tu écoutes les Dickies, tu dis, c'est ce qu'ils voulaient faire, et clairement. D'accord. C'est ça le problème, c'est que les Shérifs, j'ai toujours une. Moi, je les ai vus en concert d'ailleurs. Je suis con. Après, moi, je les ai vus une vingtaine de fois aussi. Pas une vingtaine de fois, mais non, j'ai dû les voir deux fois ou trois fois, je sais plus. Une fois en première partie de la Mano Negra. Je sais plus. Une autre fois, c'était au fond de la fameuse salle du sous-marin à Vitrolles, la fameuse salle de rock alternatif. Là. Bon, enfin bref. Mais moi, ouais, c'est toujours pareil. C'est voilà, c'est ces groupes-là qui. Alors, je dirais pas que c'est comme Lévi 88. Non, c'est un peu plus sérieux, mais en même temps, c'est rigolo. Mais voilà, ça fait partie de cet état d'esprit du rock français qui est toujours un peu festif, pour le meilleur comme pour le pire. Pour le meilleur, ça peut donner. Alors, tu m'as convaincu pour les Chérifs, quand je redécouvre un peu la discographie, même si je ne suis pas très très fan. Hein, et pour le pire, il y a un album des Chérifs qui est vraiment bien. Tu veux vraiment attaquer sur celui qui est quasiment le mieux écrit, le mieux produit. Il s'appelle Pandéléo et Court. D'accord. Et franchement, en termes d'écriture, c'est des vraies chansons. Autant les Loups de Vie, comme tu disais, effectivement, c'était un peu bourrin et c'était une boîte à rythme à bloc et puis deux accords et puis gueuler dessus. Autant sur un album comme Pandéléo et Court, d'ailleurs, le morceau éponyme est une vraie merveille. Et c'est un peu comme quand, pour en avoir, un peu comme quand Green Day se met à faire des chansons comme Waiting, par exemple. Tu vois, ce côté, ils posent la distorce et ils écrivent des vraies chansons que tu peux faire à la guitare sèche, quoi. C'est vraiment très bien. Là, on va l'écouter d'ailleurs. Pandéléo et Court. Très bien. Pas de pitié pour les jolies demoiselles qui passent leur temps à s'amuser entre elles. Pas de pitié pour les dunes et ceux qui dans une zone d'hyperbubrique. Qu'est-ce qu'on attend pour les pendre au et pour les pauvres et tout. Pas de pitié pour le méchant père fouettard, toutes les nuits en venant en chemin. Pas de pitié pour ces gens très maïfants qui passent tout le temps dans tout le monde. Qu'est-ce qu'on attend pour les pauvres et tout. Qu'est-ce qu'on attend. Pourquoi y a-t-il des masses perdues? Voilà, tout pour le. Après, il y a le. Il y a aussi dans la fin des années 80, le hardcore français. T'as aussi des groupes comme Flytox, je sais pas si tu as connu. Cosmic Worst aussi, qui était plus rigolo d'ailleurs. Wurst. Wurst. Oui, parce qu'en fait, c'était le truc, c'est la saucisse cosmique en fait. Ah, c'est la Wurst, comme dans la copine de John Lope, de tous ces groupes là de l'époque. Voilà. Il y avait des compatriotes aussi à moi à l'époque qui tournaient bien, les Parkinson Square. Ah oui, mais là, c'est plus tard ça, non? Non, c'était déjà, c'était fin 80. Moi, je les ai vus fin 87-88 aussi. Ils commençaient déjà à jouer à Lyon. Ils faisaient pas mal de. J'ai connu, moi, d'ailleurs, le guitariste, je l'ai rencontré à un concert des Dickies. Mm. Mais il était à côté de moi, je savais pas. Tu sais, je discutais avec un mec, je connaissais personne dans la salle. Je discutais avec un mec, c'était ultra sympathique. Il se trouve que c'était le guitariste des Parkinson Square. Et après, il a fait un groupe qui s'appelait Garlic Frog Diet. Garlic Frog Diet. Diet, pardon, voilà, excuse-moi la prononciation. Le régime à base d'ail. Parkinson Square, c'était pas mal, Parkinson Square. J'ai un disque de. D'ailleurs, j'ai un disque. Et à l'époque, à Lyon, t'avais une télé qui s'appelait TLM, qui existe toujours. Et comme ils n'avaient pas une thune, maintenant, mais ils ont toujours pas une thune, mais ils essayent de faire des trucs mieux. Mais à l'époque, t'avais. Ils passaient que deux choses. Ils passaient les matchs de l'Olympique Lyonnais quand ils étaient en deuxième division et les concerts qu'ils avaient été filmés dans toutes les salles de Lyon. Et donc tu voyais, je me rappelle le truc, c'est Pete Gervais qui avait joué au Transborder. Tu voyais trois fois par jour le concert de Pete Gervais, plus le concert de Parkinson Square, plus l'interview de Parkinson Square derrière. Et ils passaient. Et en fait, à l'époque, tu avais l'impression de regarder une télé locale pourrie. Et en fait, moi j'aime bien le foot, découvrais des trésors. Voilà, donc en gros, c'était rock'n'roll et football, c'était une télé presque prolétarienne parfaite. The beat.